إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc nous allons voir ensemble quelques points sur le Coran, le Saint-Coran ainsi que sa valeur. Bien sûr, tout ça en l'occasion de l'approche du mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, lorsqu'il veut montrer, donc mentionner l'importance de ce Saint-Coran, il dit « Ya yuhan nas, qad ja'akum maw'ida min rabbikum wa shifa lima fi s-sudur wa huda wa rahma lil mu'minin. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô gens, certes vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, et une guidée et une miséricorde pour les croyants. » Et ici Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné « Ya yuhan nas », donc c'est pour tout le monde. Là l'appel, c'est pas un appel à un acte précis, un acte précis qui va être pendant le Hajj ou pendant le mois du Ramadan ou autre chose, où il aurait dit Yahu Haladina Amanu, car c'est pas la première chose à faire pour le croyant, c'est-à-dire pour lorsqu'on appelle les gens à l'islam, on les appelle pour montrer d'abord ce qu'il y a dans l'islam de façon générale. Et une fois qu'ils acceptent, comme l'a dit Allah, lorsqu'ils acceptent cette unicité, on les appelle à Allah. Et s'ils acceptent cette unicité, à ce moment-là, on entre dans les bases, on entre dans les sous-bassements, on explique les adorations qui leur sont obligatoires à faire. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Yayuhan Nas et Yayuhan Ladina Amanu. Ça vous est venu donc une exhortation. Et Ibn Kathir dit, Rahmanullah, Maw'ida ay zajr anil fawahish. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprimande les méfaits. Allah subhanahu wa ta'ala réprimande les péchés. C'est ça le Maw'ida, ici, dans le Coran, dans l'exhortation. Wa shifa al-mafis sudur. C'est une guérison de ce qu'il y a dans les cœurs. Qu'est-ce qu'il y avait dans les cœurs avant cette guidée? Il y avait des ambiguïtés. Il y avait des doutes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce Saint-Coran, enlève ce qui est mal, ce qui est donc à nettoyer dans ce cœur. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, on a zanna alayka al-kitab. Certes, nous avons descendu vers toi ce livre qui montre clairement toute chose, ainsi que c'est une guidée et une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Donc on retrouve que ce Coran est une guidée et c'est aussi une miséricorde pour les croyants, ainsi que bien sûr une bonne annonce pour les musulmans. Ibn Mas'ud dit, radiallahu anhu, dans le sens de ces versets, قَدْ بَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ وَكُلَّ شَيْءٍ. Certes, il nous a montré, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran, toute science et toute chose. Toute science et toute chose. Tout ce qui va te rapprocher de l'enfer, ou va t'éloigner plutôt de l'enfer, afwan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu contre cela. Et toute chose qui va te rapprocher du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré clairement. Donc le chemin est facile à retrouver. Le chemin du paradis, le fait de vouloir s'éloigner de l'enfer, c'est facile à retrouver. Et Mujahid dit, rahmatullah alayhi, kullu halal wa haram. Tout halal et tout haram. Donc voici, tibiana li kulli shay. Le fait d'éclaircir, de montrer clairement toute chose. Et Ibn Kathir dit, rahmatullah, بعد حكاية القولين السابقين قول ابن مسعود عام وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام وأما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. Donc Ibn Mas'ud dit, radhiyallahu anhu, ou plutôt Ibn Kathir dit qu'Ibn Mas'ud, sa parole elle est plus générale vis-à-vis de la parole de Mujahid. C'est-à-dire tout halal et tout haram. Parce qu'il y a des choses qui sont de la religion qui peuvent t'amener au paradis sans qu'elles entrent dans le domaine du halal et du haram, dans le sens où si tu les délaisses, tu ne seras pas contré. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans les statuts juridiques. Elles sont vis-à-vis des fois des comportements à obtenir ou certaines choses à faire. Si tu les fais, c'est un khair pour toi. Donc Ibn Mas'ud dit que la parole d'Ibn Mas'ud est plus générale car elle comprend et comporte chaque science profitable, donc de tout bien, de ce qui est venu et de ce qui va venir. Et aussi entre bien sûr en vigueur le hukm shar'i, c'est-à-dire les statuts juridiques, les décrets juridiques de ce qui est halal et de ce qui est haram, de tout ce que les gens ont besoin bien sûr dans les choses de leur vie ici-bas et dans les choses de leur religion, ainsi que donc dans leur demeure et dans leur rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours en vantant le Saint-Coran, il dit فَمَنِ اتَّبْعَ الْهُدَى فَمَنِ اتَّبْعَ الْهُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Et certes, celui qui suit ma guidée, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Il ne sera ni égaré ni malheureux. Parce qu'il va suivre le Saint-Coran, il va suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans le texte de ce verset, il dit دَمَنَ اللَّهِ لمن قرأ القرآن وعمل بها فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Donc il dit Ibn Abbas رضي الله عنهما, Allah a garanti que celui qui va lire le Coran et qui va le mettre en application, ce qui se trouve dans ce Coran, il ne sera pas égaré dans la vie d'ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Et il dit aussi سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc il dit سبحانه وتعالى, voici, certes, le livre dont nul doute, guidé pour les pieux. Ibn Sa'di, rahmatullah alayhi, dit dans son texte, donc, Al-Huda, ma tahsulu bihi al-hidaya min al-dalala, wa shubah wa ma bihi al-hidaya ila al-suluk al-turuk al-nafi'a. Donc, Al-Huda, la guidée, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un qui va acquérir la guidée en bien sûr. C'est-à-dire en témoignant de l'égarement et des ambiguïtés. Et cette guidée, tu vas bien sûr l'obtenir par le fait de suivre les chemins qui sont profitables. Le fait de prendre les voies qui te sont demandées. Et ces voies, elles ont été tracées, elles ont été montrées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le guide. Donc c'est lui le guide suprême dans les choses de notre religion. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala inna hadha al-quran yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qui est de plus droit, vers ce qui est de plus juste. Et Cheikh Shanqiti rahmatullah alayhi, Mohamed Al-Amin Shanqiti rahmatullah, il dit dhakara jalla wa ala fi hadhihi al-ayat al-karima anna hadha al-quran al-azim الذي هو اعظم الكتب السماويه واجمعها للجميع علوم واخرها اعدم برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوى أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. الله سبحانه وتعالى mentionne dans ce verset, dans ce noble verset qui provient bien sûr de ce saint Coran, du meilleur Coran, qui est en plus le meilleur livre sans équivoque, meilleur que la Torah, l'Évangile et tout ce qui est venu même auparavant, car c'est celui qu'il faut suivre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des envoyés, son livre aussi est le meilleur des livres. Et c'est celui qui rassemble, qui englobe le plus de choses, le plus de sciences. C'est le dernier envers lequel les gens doivent partiser, ils doivent l'accepter. Et bien sûr, donc il guide vers quoi? Vers la voie qui sera la plus juste et la plus droite. Qui sera la plus juste et la plus droite. Donc bien sûr, on retrouve énormément de choses ou de bénéfices dans ce Saint-Coran. On va retrouver énormément de bénéfices dans ce Saint-Coran. Le fait que tu n'as pas énormément de temps, on va passer donc directement au fait de donner envie, d'inciter les gens à lire le Coran ainsi que de le mettre en application. Pour maintenant, on va arriver au mois du Ramadan et à ce moment-là, la lecture du Coran, elle va être multipliée. Donc, ça va être le but, c'est-à-dire C'est le premier but. Dans ton mois du Ramadan, lorsque tu vas jeûner, l'adoration que tu vas faire, qui va accompagner ton jeûne, c'est la lecture du Coran. Ne serait-ce que le fait que tu l'écoutes déjà par rapport à l'imam, avec l'imam dans ses tarawehs. Mais aussi la lecture du Coran, bien sûr, chez toi. Le matin, le midi, le soir. Avant, après tarawehs, maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran al-alaniya yarjuna tijaratan lan taqbul. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, certes, ceux qui lisent le livre d'Allah et accomplissent la salat, la prière, et de ce qu'on leur a octroyé, donnent en aumône, en cachette et en public, en secret et en public, ils espèrent un commerce qui ne termine jamais, qui ne périt pas. C'est un commerce qu'en vérité, qui n'est pas où tu n'es pas perdant. C'est un commerce où tu ne te retrouveras pas perdant. Et l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, vis-à-vis de ce verset, il dit هذه الآية القرآن العالمين العاملين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل وكذا في الإنفاق. Donc ce verset bien sûr est venu pour ceux qui lisent le Coran et qui le mettent en application, ceux qui vont s'accomplir de leur prière, que ce soit les prières obligatoires et surérogatoires, et de la même chose pour l'infaq, de la même chose pour l'aumône. C'est la zakat et les aumônes qui sont donc surérogatoires. Et ça, c'est parmi les délais que tu as compris le Coran. Si tu vas prier comme il le faut, si tu vas donner en zakat comme il le faut. En zakat ou même les aumônes qui sont surérogatoires. Et Ibn Kathir dit, rahmallah, يخبروا عن عباده المؤمنين الذين يأتون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. Et Ibn Kathir dit aussi, rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala annonce de ce que font leurs serviteurs croyants, ceux qui lisent son Saint-Coran, donc ils vont le réciter, ils y croient, ils lisent quelque chose, des paroles qui vont y croire. Ce n'est pas juste une simple lecture, avec des prononciations tout simplement. Ça entre dans le cœur, ça donne à méditer. Ils essayent de comprendre le sens pour mettre en application qu'est-ce qu'Allah a voulu dire dans ce tel et tel verset. Hein, et ils le mettent en application. Comme, bien sûr, le fait de s'accomplir de sa prière, accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأتوجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب لا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظرة طعمها مر ولا ريح لها. Donc il dit صلى الله عليه وسلم le croyant qui lit le Coran est comparable à Al-Turujja. On dit donc, c'est un agrume, le pamplemousse. Donc son goût est bon et son odeur est bonne. Et le croyant qui ne lit pas le Coran est comme la date. Son goût est bon, mais n'a pas d'odeur, mais ne dégage pas d'odeur. Et comme le pervers au fège, donc celui qui commet les grands péchés, et qui lit le Coran, est comme Rihana. Rihana, c'est français. Donc, lui, il a une bonne odeur, la coquelinte. C'est la coquelinte. Rifa Tayyib, donc son odeur est bonne, mais elle n'a pas de. Mais son goût est amer. Mais son goût est amer. Donc, on comprend que le goût, c'est comme si c'était l'acte, les péchés qui ont été commis. Et le pervers qui ne lit pas le Coran est comme. Alhamdallah. C'est Alhamdallah, la coquelinte. Hein? Donc, le goût. Et quoi? Et amer, ainsi que son odeur. Il y a aussi une faïda ici, un bénéfice, c'est que des fois, les gens, le fait qu'ils commettent des grands péchés, se disent Allah, il ne pardonne pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse tout. Comme s'il ne faisait pas partie des gens qui avaient le droit d'avoir l'adoration. Et là, on a une preuve. La personne commet des péchés, elle commet des grands péchés, c'est pour ça qu'elle est faïda. Et pourtant, elle va communier le Coran. Donc, c'est une preuve qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Donc, on l'empêche. Il n'y a personne qui peut empêcher qui que ce soit, qui m'aiderait à commettre des grands péchés, de ne pas revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyukum yuhibbu an yardua kulla yawmin ila badhan, ou ila al-aqiq, fa'i'ti minhu binaqatayn, كومتين وفي غير اسم ولا قطعة رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم ويقرأ آيات من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، ثلاث خير له من ثلاث، أربع خير له من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui de vous voudrait partir vers Badhan, donc Badhan c'est dans Médine, ou Al-Aqiq, c'est aux alentours, c'est au bord de Médine. Wadi Al-Aqiq, donc c'est un wadi qui passe au nord, ou plutôt au sud, ouest de Médine, et qui continue, qui va vers le sud, qui va vers ce qu'on appelle le Miqat, là où les gens font leur ihram. Le Wadi Al-Aqiq qui il continue, donc c'est un wadi qui est aux alentours, qui est au bord de Médine. Maintenant il rentre dans Médine, mais avant ils étaient en dehors de Médine. Le fait que la ville maintenant elle s'agrandit. Donc, qui de vous voudra aller là-bas et revenir avec deux chamelles, donc remplies, elles sont remplies de lait, hein, des chamelles qui donnent énormément de lait, sans qu'ils commettent de péché ou qu'ils désobéissent à sa famille. Là, on voit sans qu'ils commettent de péché. C'est-à-dire que tu pars et tu reviens directement avec deux chamelles. Les gens vont dire qu'est-ce qui se passe, c'est un vol. Et c'est rapide, c'est pour ça que dit le prophète, sans commettre de péché. Parce qu'on n'arrive pas à partir, revenir aussi vite avec un bien, parce que si on l'a acheté, pour acheter deux chamelles, il faut du temps, il faut des mois et des mois, surtout à l'époque, il faut des temps pour pouvoir réussir à se payer ça. Surtout si maintenant on est parti pour œuvrer, donc une œuvre qui va être rapide, mais qui va avoir une grande récompense. Et les gens vont dire que pour être aussi rapide, hein, lorsque maintenant on va verrait quelqu'un du jour au lendemain, un petit jeune de 16 ans, 18 ans, venir avec une BM, venir avec ceci, avec cela, comme gros matériel, les gens tout de suite vont dire que c'est un voleur et trafic. On pense tout de suite à ça. Hein, il est trop jeune pour pouvoir se permettre autant de matériel. Donc les gens tout de suite, on va prêter l'attention sur ça. Mais là, non, le prophète s'en est dit sans péché et sans qu'il désobéisse à sa famille. Hein, sans qu'il désobéisse à sa famille. Parce que les parents, à l'origine, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'ordonnent le bien, ils te réprouvent le mal, ils t'éduquent. Ils ne veulent pas de toi que tu voles. Donc si tu es parti voler, t'as quoi? T'as désobéi à tes parents. T'as fait quoi? T'as désobéi à tes parents. Hein, t'as pas, justement, donc à partir du moment que t'as fait ça, t'as fait qatat al-rahim. Tu vois, bien sûr, désobéi, là, c'est comme si tu t'étais séparé de ta famille. Et les compagnons disent, oh, envoyé d'Allah, bien sûr que nous voulons cela. Il dit, n'est-ce pas que l'un d'entre vous parte vers la mosquée et qu'il apprenne ou qu'il lise? Donc qu'il apprenne, et encore plus facile qu'il lise sans apprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont capables d'apprendre rapidement, d'autres non. Chacun son niveau. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Parce que même celui qui ne pourra pas apprendre, et qui simplement va s'arrêter à lire, il aura quand même la récompense. Il aura donc, il lit deux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleur pour lui que s'il avait eu donc ces deux chamelles. Trois, ce sont meilleurs que pour lui que pour trois. Quatre, meilleurs pour lui que pour quatre, et le nombre selon le nombre. Donc si tu lis 1000 versets, maintenant, eh bien, c'est meilleur pour toi que si tu avais obtenu 1000 chamelles qui sont remplies de lait. Qui sont bien sûr remplies de lait. Il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ سَكِينَةٌ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque groupe qui se rassemble dans une maison, des maisons d'Allah, et qui récite le livre d'Allah, et qui l'enseigne entre eux, qui se l'apprennent entre eux, qui l'enseigne entre eux, à chaque fois que les gens font ça, leur descendent automatiquement, donc la sérénité leur vient, leur descend la sérénité, et la miséricorde les couvre, les recouvre, et les anges aussi les recouvrent de leurs ailes, et les mentionne, donc ton nom sera mentionné, hein, c'est-à-dire sur ce qui Allah va te mentionner, Allah va parler de toi aux anges qui sont à côté de toi, hein, ou à ceux qui sont proches de lui. Donc les anges qui sont auprès d'Allah, près du trône d'Allah. Donc ça donne envie. Donc ça, c'est des versets, c'est des preuves qui donnent envie aux musulmans justement de mettre en pratique cela. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une récompense. Et la récompense est multipliée par 10. Elle sera 10 fois comme celle-ci. Et je ne dis pas Alif Lam Mim, c'est une lettre, mais Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, et Mim, c'est une lettre. Alors imaginez-vous les pages et les pages qui sont passées. Donc à chaque lettre que tu lis, c'est dit Hassana. Donc une page complète, ça va être, ça peut arriver à 1000 Hassana. Il y a peut-être 100 mots, il y a peut-être 100 lettres, il y a peut-être plus. Hein, une ligne, il va y avoir quoi. Il y a au moins entre 10 et 20 lettres. 12, 13, 15 lettres, 20 lettres. Alors imaginez, il y a une douzaine de lignes à peu près. Une dizaine, un peu plus. On retrouve tout de suite hein, plus de 100, facilement plus de 100 lettres, facilement rien dans une page. Ça fait déjà plus de 1000 hassanah dans une seule page. Alors que dire que si la personne qui passe et qui décide de dire moi je vais lire au moins un juz par jour ou deux juz pendant le mois du ramadan, il va lire 40 pages. Il va lire 40 pages, donc il va multiplier. C'est multiplié par 40. C'est 40 000 ou c'est X milliers de hassanah bin azawajal. Simple. Tu peux le faire. Si tu ne sais pas le faire maintenant, en un seul trait, tu le fais entre la dernière et le ramadan. Surtout si des fois, entre la dernière et le il laisse du temps. Tu fais un petit pas après la salade, et ainsi de suite. Tu fais comme ça, comme ça. Tu vas remarquer que tu vas les terminer vite fait. Tu vas les terminer rapidement. Si tu prends un barnamèche qui va être dans le Coran, dans le mois du ramadan, donc tu vas réussir à le terminer. Tu essaies de faire un programme, afin de pouvoir terminer en vérité cela. Et aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران الماهر c'est celui qui récite bien. Donc là on a fait avec l'équipe psalmodie, c'est un bon récitateur, c'est une personne qui sait bien réciter le Coran facilement. Lui sera bien sûr avec donc les anges hein, pieux, les anges qui sont proches. Et celui qui lit le Coran avec difficulté, donc des fois il bloque, hein, s'il a des difficultés dans cette récitation, sa diction ne sera pas parfaite, alors que c'est dur pour lui, mais il ne délaisse pas, il est vaillant, il continue, il aura deux récompenses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse personne, que ce soit pour celui qui s'y connaît bien ou pour celui qui est nouveau matin dans la lecture du Coran. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lisez le Coran, car il viendra le jour dernier en tant qu'intercesseur pour celui qui le lit. Il va venir en tant qu'intercesseur pour celui qui récite ce Coran. Et aussi il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: يكتب القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة آل عمران صاحبهما. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths de Nawas ibn Sam'an, anhu, on viendra avec le Coran le jour dernier. Il y a beaucoup de choses à quelqu'un, on ne va pas venir le jour dernier. Avec le Coran, il sera là. Parce qu'il va être justement ou une preuve pour toi ou bien une preuve contre toi. Le Coran, ça va être un témoin. Ou avec toi ou bien contre toi. On viendra avec le Coran le jour dernier et ceux qui le. Et ceux, hein, regardez bien. Et les gens du Coran, ceux qui le mettent en application, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit ceux qui le lisaient tout simplement, mais ceux qui le mettaient en application dans la vie d'ici-bas, hein, donc viendra, soit le Baqara, et soit Ali Imran, elles vont attester pour lui. Elles seront des preuves pour lui. Donc elles vont être, on va dire, comme des intercesseries, hein, elles vont intercéder en vérité pour lui. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Il a dit le meilleur d'entre vous. Il n'a pas dit autre chose par rapport au Coran. Le meilleur d'entre vous, le meilleur des musulmans, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Apprend le Coran et l'enseigne. Apprendre les huruf, hein, donc les lettres. Donc il y a le hilm, tu vas apprendre la lettre. Et aussi le sens et tu le mets en application, c'est ça l'apprentissage. C'est pas juste une belle voix. Mais à côté, il y a le contraire. Nous, on veut une belle voix qui met en application. Il faut que ce soit une preuve pour toi parce que tu es le porteur du Coran. Donc ça devient dangereux pour toi. Parce que comme si tu es le porteur du Coran et que tu fais du mal et que tu fais des choses contraires, tu commets des grands péchés, les gens, ils vont rabaisser le Coran à cause de toi. tu seras donc quelqu'un qui est représentant du Coran. Et quand tu représentes le Coran, tu es obligé de quoi ? Donc d'être digne de cette représentation. Tu dois être digne maintenant de cette représentation. Si tu as décidé de représenter Massane, ne serait-ce que dans la vie d'ici, dans l'entreprise, si tu étais un représentant ou on t'envoie là-bas, là, donc tu vas faire tout en sorte pour montrer tous les bons côtés de cette entreprise, toutes les bonnes choses. Alors que dire du livre d'Allah ? C'est pour ça que les plus prédécesseurs demandaient et ont écrit sur Adab, Hamalat al-Qur'an. Ils ont écrit sur l'adab de ceux qui ont le Coran par cœur. Ils ont écrit. Donc il y a des livres spéciaux sur l'adab de ceux qui connaissent le Coran par cœur. Parce qu'il y a énormément d'adab à prendre. Eux, ils ont plus de quoi ? De l'adab à connaître que les autres. Parce qu'ils ont le Coran sur eux. Donc eux, c'est devenu une foudja vis-à-vis des gens. C'est devenu une... Donc c'est devenu, ils ont décidé cela. Ils ont choisi d'apprendre le Coran par cœur, maintenant ils sont obligés de continuer avec. Avec le bon comportement. Ça, c'est important. Comme on a vu donc des versets ainsi que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitent à lire le Coran, il y a aussi bien sûr des versets qui montrent le contraire de ceux qui vont s'éloigner du Coran, de ceux qui vont se détourner de ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir aussi quels seront les résultats de ces personnes-là. Allah dit وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Et qui de plus injuste que celui dont on rappelle les accès de son Seigneur et qu'il s'y détourne et qu'il a oublié ce qu'il a fait. Il a oublié ce que ses mains ont fait. Il se détourne. Il n'écoute pas. Donc ça ne va pas dans son cœur et il ne met pas en application. Il n'a pas écouté, ça n'est pas entré dans son cœur et bien sûr il ne va pas mettre en application. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ أَذْلَمْ. Et qui de plus injuste ? Et qui est de plus injuste que cela. Donc cela, bien sûr, est une grande injustice, le fait de ne pas, justement, écouter ce Coran. Parce que comment il va être guidé, comment il va vouloir recevoir la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'écoute pas ce Coran, s'il ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans ces versets. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, va s'occuper de ces gens-là. Ne les délaisse pas. Allah n'est pas insouciant vis-à-vis de cela. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas insouciant. Allah dit « Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra wa tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. » Certes, nous avons placé dans leur cœur donc des cadenas afin qu'ils ne comprennent pas ayyafqahu, afin qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans ce Coran, parce que c'est dans le cœur la compréhension, elle est dans le cœur. « Wa fi adhanihim waqra. » Et bien sûr, donc aussi, donc il y aura des bouchons donc dans leurs oreilles, hein, donc ces bouchons, afin de ne pas entendre, même s'ils entendent les mots, même s'ils entendent les mots, simplement ce ne sont que des mots pour eux, ce ne sont que des mots tout simplement, rien d'autre. C'est comme si on les ressemblait à des animaux qui entendent des bruits sans savoir ce que c'est un nida pour eux, c'est un appel, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de compréhension derrière. Ça entre, mais ça n'entre pas dans le cœur. Il entend, mais il est bouché. C'est comme s'il était bouché. Alors, donc, montre bien. Et si tu les appelles à la guider, ils ne seront jamais, bien sûr, guidés. Si tu les appelles à guider, ils ne seront jamais guidés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de ne pas écouter le livre d'Allah. Et toujours, Allah mentionne aussi ceux qui n'écoutent pas ce Coran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Hein, ils disent. Et qui de plus injuste que celui dont on cite les versets de son Seigneur et puis s'y détourne. Et Allah va justement se venger de quoi ? Des mujrimin, de ceux qui sont bien sûr perturbateurs, de ceux qui commettent du mal. Et on retrouve bien sûr encore énormément de versets vis-à-vis de cela. Donc là, on va profiter aussi des paroles des savants vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vis-à-vis de la nasiha, vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est la nasiha, hein, c'est le conseil vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiha, hein, c'est un mot qui vient, bien sûr, donc lorsqu'on dit « Ushtaqun yani mushtaqatun min nasahta al-asal idha safaytahu ». C'est-à-dire que nasiha, c'est le fait de purifier quelque chose. C'est comme quand tu prends du miel, imaginez-vous un apiculteur, et qui va purifier le miel. Il va y laisser les déchets, et il va purifier le miel. Et c'est ça la nasiha, le conseil. C'est-à-dire que tu conseilles ton frère Mathan, donc pour lui enlever le mal qui est en lui, afin de laisser en lui que ce qui est pur, que ce qui est bon. C'est ça la nasiha, le nos. Et aussi, bien sûr, on peut trouver, donc c'est par rapport à ça. Donc c'est, et aussi, ça peut être aussi par rapport au nos qui est le khiyat, hein, le fait de recoudre. Hein, c'est-à-dire en vérité, tu vas, ma fin. Donc, hein, c'est-à-dire qu'en vérité, tu vas quoi? Tu vas le. Comment dire? Lorsqu'on dit le khiyata, l'exemple de Nasiha avec le khiyata, donc la couture, ça veut dire que maintenant, lorsque tu as un habit propre, c'est comme si tu ne commettais pas de péché. Donc ton habit est propre, parce que tu n'as pas commis de péché. Et lorsque tu commets des péchés, donc ton habit se découle, ou s'arrache. Donc ça c'est les péchés. Hein, l'habit arraché, c'est les péchés. Tu viens, tu recouvres cela, donc c'est comme si tu avais conseillé la personne. Tu le fais revenir à la voie droite. C'est ça. Là, c'est vis-à-vis à Afrin, par rapport à la langue arabe. Par rapport à la langue arabe. On retrouve encore bien sûr d'autres choses. Et nasiha vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu vas inciter, pousser les gens à l'aimer et le respecter énormément. Shiddat hubbihi wa ta'dimi qadarihi. Donc tu vas inciter à ce que les gens ils vont respecter le Coran et ils vont aimer le Coran. Et ça, bien sûr, on peut déjà éduquer nos enfants dès qu'ils sont petits à respecter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est le meilleur livre, sans équivoque. Et qu'il faut l'apprendre, qu'il faut le connaître. Et que celui qui l'apprend, il aura énormément de récompenses. Car, bien sûr, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut aussi pousser les gens à ce qu'ils comprennent ce que veut dire ce Saint-Coran. Qu'est-ce que Allah veut dire lorsqu'il dit, maintenant, il y a qu'un aboudou ou il y a qu'un astahim? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Mufassirun? Alhamdulillah, on a des Mufassirun qui sont connus. On a confiance en nous. On en a eu énormément. On prend de ce qu'ils ont dit. Ça nous aide. Et aussi, bien sûr, le pousser les gens, inciter les gens à méditer et à s'arrêter là où il y a des versets afin de comprendre. Donc, on ne s'empresse pas à le lire rapidement. On prend le temps. On lit, on voit quelque chose qu'on ne comprend pas, on veut savoir ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on va, justement, faire partie de ceux qui auront accepté la nasiha dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement il faut lire le Coran, mais en plus il faut lire beaucoup. Il faut lire énormément, abondamment, souvent, ne pas le délaisser. Donc ça fait partie d'une lecture qui va être à vie. C'est en vérité, ça fait partie d'une lecture qui va être à vie. On ne laisse pas des mois sans qu'on y ait touché le Coran. Donc on essaye de le lire plus souvent. Parce que non seulement c'est guidé, comme on l'a dit auparavant, c'est une miséricorde de la part d'Allah, c'est une bonne annonce, et la khiri. Donc il y a énormément de choses. Le huda, le bushra, le rahma, les mu'minin. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne délaisse pas. Si c'est une guidée pour nous, on en a besoin. On le dit dans le fatiha, et je dis salat al-mustaqim. Comment on va être guidé si nous, justement, on délaisse le Coran? On veut être guidé parce qu'on le dit tout le temps dans la fatiha. Donc on va bien sûr lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, lis ce qui t'a été révélé, du livre de ton Seigneur, et ce livre qui est immuable, qui ne change pas. Il n'y aura pas de changement dans ses paroles. Et tu ne trouveras pas en dehors de lui, bien sûr, quelqu'un. Et aussi, ceux qui lisent, ceux qui récitent le livre d'Allah et qui accomplissent sa prière et qui s'acquittent de ce qui leur a été octroyé en secret et en public. Ça, ikhlas, sirran. C'est que des fois, la personne, elle va donner fisabilillah. Et le donner fisabilillah, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le savoir. Tu le donnes et personne ne le sait, entre toi et Allah. Et là, à ce moment-là, la récompense, elle est plus grande, elle est énorme. Et tu ne le dis pas, tu protèges, tu fais tout, tu vas combattre ton œuvre afin que les gens ne le savent pas. Ça, c'est ce qu'est le meilleur. Ils espèrent un commerce qui ne périt pas, un commerce qui n'a pas, justement, qui ne va pas être perdant, sans perdre. Afin de leur donner leur récompense et de leur rajouter des bienfaits, des valeurs. Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'il va faire, il va augmenter la récompense parce que tu as lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus il va te donner quelque chose de quoi min fadlihi. Il va te donner de ses grâces. Allah subhanahu wa ta'ala, yazidahu min fadlihi. Allah il te rajoute de ses grâces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Et on l'a vu dans le hadith auparavant, Iqra'u al-Qur'ana fa'innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Lisez le livre, le Coran, car il viendra le jour dernier en tant qu'intercesseur pour ceux qui le lisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait voir ses compagnons. Donc, il a fait un waft. Il y avait des gens qui venaient des tribus, qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui venaient d'ailleurs. On sait que autour de Mecca, c'était énormément de tribus d'Arabes. À 20 km, à 100 km, et là, c'est les gens venaient par tribu. Ça se passait comme ça. Donc, on va appeler ça une délégation. Il y avait une délégation qui venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le waft, c'est la délégation. Elle s'appelait Saqif, c'est le nom du tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait les voir à chaque fois. Directement par Ba'd al-Isha. Le prophète s'est leur consacré le temps Ba'd al-Isha, afin de leur enseigner, bien sûr, la religion. Et il leur parlait. Puis, une fois, donc, il est venu en retard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en retard. Il n'est pas venu à l'heure habituelle qu'il venait les voir. Et ils lui ont dit, Satu, tu vas tarder ce soir. Et il a dit, Innahu tara'a alayya hizbi min al-Qur'ani fakrahtu an aji hatta utidma. Un certain parce qu'en réalité, il le lisait, donc le professeur avait l'habitude de lire le hizb du Coran, et il a détesté de venir avant qu'il ait terminé. Parce qu'avant, on va dire que les audios, elle est terminée avant. Et ce jour-là, il n'a pas terminé avant, ils sont mal occupés par autre chose. Donc il a préféré les terminer, et après, venir voir la tribu qui est venue pourtant pour demander la guider, hein, par blessure d'Allah, par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, malgré ce moment important, il a quand même décidé de terminer, de lire le Coran. Il a lu le Hizb. Et Aous a dit, « Sa'altu ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kayfa kuntum tuhadzibuna al-Qur'ana ?» Aous, hein, donc il dit, il demande aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Comment vous sépariez le Coran ?» Nous maintenant on connaît cette team. Ça, lorsqu'on parle du Coran, on dit, « Flazin Jouz » On va entendre ça en Arabie Saoudite ailleurs, au Maghreb. Le Coran, les gens le divisent comme ça, 60 parts, ou 30. C'est une hizb ou bien 30 juz. Et les compagnons du professeur, ils ne faisaient pas cette façon-là. Ils avaient une autre façon. Qalou, flatha, wa khamsa, wa seba, wa tefe, wa ihda achara, hein, wa ihda acharata, wa thalatha acharata, wa hizb mufassal wahda. C'est-à-dire que eux ils disaient trois sourates. Donc, Al-Baqara, on ne compte pas le Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, et après, hein, Baqara, Al-Imran, Nisa, ils faisaient comme ça. Et donc ça fait trois. Et après les cinq autres. Et après les sept autres. Parce que pourquoi? Parce qu'elles commencent en grandissant, elles sont, c'est les plus grandes, les premières. Et après elles vont en diminution. Donc pour avoir une sorte d'équivalence, c'est comme ça qu'ils faisaient. Les trois grandes sourates, maintenant, en un jour, après les cinq autres, après les sept autres, après les, donc les neuf autres, après les onze autres, et après on arrive au Mufassal. On arrive aux treize autres, et après on arrive au Hizb Mufassal. Hein? Donc ça, à ce moment-là, on parle des petites sourates. Et donc on va arriver aux dernières sourates, les petites sourates. Mufassal Wahda. C'est comme ça qu'ils lisaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on a des autres façons, parce que les gens vont lire le Hizb. Là, le Hizb, si vous remarquez bien, que les hizb, hein, ou les djouz, si tu t'arrêtes au hizb, des fois tu t'arrêtes au milieu de l'histoire. Et il y a hizb qui s'arrête au milieu de l'histoire de Kahf. C'est-à-dire que ça va pas là. T'as pas terminé l'histoire. Ça, dans le Kahf, des fois il y a hizb qui s'arrête complètement au milieu. Comment tu fais? Tu t'arrêtes à la moitié, lendemain on doit reprendre l'autre moitié. Tu t'arrêtes une partie, lendemain on reprend une partie. Donc on a raté le maqsoud, le ferme. On va passer à quelque chose qui va être le ferme. Donc normalement on doit terminer. C'est pas le chiffre même, hizb, le truc je m'arrête. Tu continues à tu termines l'histoire. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que tu as terminé l'histoire, c'est pas le chiffre. Hein? C'est pas pour rien, bien sûr, c'est pour que les gens apprennent de cette façon-là. C'est pour des techniques de lecture, d'apprentissage. Mais, en vérité, dans la lecture, si tu veux rester avec la lecture de compréhension, tu le fais avec, tu le termines. Tu vas terminer parce que le hizb là, c'est pas, khas, il faut que je termine là, et maintenant, demain, dans Tarawih, je vais terminer là. Non. Moukim qui reste 8 lignes, 10 lignes, termine-les parce que tu termines l'histoire. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus normal. Hein? C'est beaucoup plus normal de terminer l'histoire. Parce que peut-être la fin, c'est, des fois, c'est ce qui conclut. Hein? On a le résultat. On a des fois, ben, khulasa. Il y a une sorte de conclusion. On veut, on en a besoin. On en a besoin. On va pas démarrer par une conclusion le lendemain. Parce que c'est comme si tu parlais d'un kalam qui n'a pas de na'na. Si tu luttes la fin, ça n'a pas un sens réel. Si tu parles pas aux gens, tu t'arrêtes à la fin de l'histoire et puis, alors que tu aurais pu terminer en deux minutes, et le lendemain, tu dois relire la fin de l'histoire. C'est pas concluant, c'est pas une parole signifiée de parler aux gens, alors que dire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça qu'il faut être vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, bien sûr, donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يكسر حتى أصحابه من قراءة القرآن وكان يختتم يعني كثيرا فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ne terminait pas le Coran en deçà de 3 jours, c'est-à-dire il ne faisait pas en moins de 3 jours. Il ne terminait pas le Coran en un jour ou en deux jours. Et donc il le prenait, c'était 3 jours le minimum chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours minimum. Et là on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a aussi même ordonné les compagnons du prophète à cela. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Iqra le Coran fi sab'in wa la taqra'u fi aqal min thalath. Lisez le Coran en 7 jours, mais ne le lisez pas en moins de 3 jours, afin de prendre le temps de comprendre ce qu'il y a. Parce que si tu lis vite le Coran en un jour, deux jours, tu auras peut-être passé des... Surtout si tu n'es pas habitué. Tu auras peut-être quoi, passé à côté de certaines compréhensions. Tu ne vas pas réussir. Et le même Nawawi dit, rahmallah, « Kisrat tiratihi min qu'il Qur'ani wa khatmihi faqala rahmallah kana salaf radiallahu anhum lahum aadat mukhtalifatun fi qadri ma yakhtibun fihi faruya ibn Abi Daoud » عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة. Donc on a entendu que parmi les grands savants, il y avait des gens qui terminaient le Coran en deux mois. Ils décidaient de terminer en deux mois maintenant. وعن بعضهم في كل شهر ختمة. Et pour certains, c'est le Coran en un seul mois, le terminer en un seul mois. وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة. ختمة. Et pour certains, tous les 10 nuits, c'est-à-dire tous les 10 jours. وعن بعضهم في كل ثمان ليال ختمة. La même chose. Donc, في كل ثمان ليال ختمة, c'est-à-dire tous les 8 nuits aussi, il le termine le Coran en une seule fois. وعن الأكثرين, et là c'est la majorité, في كل سبع ليال. Donc, في كل سبع ليال, c'est-à-dire tous les 7 nuits. Parce que pourquoi c'est la majorité qui font tous les 7 nuits, alors qu'il y a des gens qui font? Parce que c'est le prophète qui leur a dit de faire ça. Donc ils ont obéi en vérité à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن بعضهم في كل 40. Et pour certains, 4. Ils sont capables. Ils sont capables de faire 4. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, c'est les grands savants. Ils comprennent ce que ça veut dire. Donc ils vont lire 4. De toute façon, le prophète m'a dit, lisez-le 7 jours, mais ne faisait pas moins de 3 jours. Donc on comprend que 3, 4, 5, 6 entrent dans le compte. وعن كثيرين من في كل 30. Et beaucoup aussi de savants le disaient tous les 3 nuits. ثم ذكر أن منهم من كان يختم في أقل من ذلك. Et certains aussi le lisaient même en deux nuits ou même en une nuit. لكن الحمد لله, parce qu'à l'origine de ne pas lire le Coran en moins de 3 jours, c'est parce que tu risques de ne pas le comprendre. لكن si tu es déjà un savant qui a déjà lu plusieurs fois, qui a déjà compris, donc à ce moment-là que le problème ne t'est plus posé, hein, c'est puis réellement posé comme si c'était celui qui est, hein, n'avait jamais justement fait cela. Ceux qui n'est pas passé par l'étape de la compréhension. Eux, alhamdoulilah, ils ont passé l'étape de la compréhension. Même malgré ça, ça reste toujours, on remarque que la majorité, ils préféraient faire 3 ou 7. Parce que le prophète lui avait demandé ça. Donc ils ont resté par rapport au respect de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que les autres ne respectent pas. Latine, ça ne veut pas dire aussi que c'était pas permis. C'était une, en réalité, c'est une méthodologie qu'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, donc, bien sûr, parmi ceux qui lisaient chaque semaine, on a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, donc, Othman ibn Affan, ou bien Abdallah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b. C'est qui ces gens-là, les amis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est les meilleurs par rapport au Coran. Othman, il fait partie de celui qui a écrit le Coran. C'est pour ça qu'on dit le Khat al-Othmani, salala. Parce qu'on parle de Othman. Il fait partie de ceux qui ont écrit le Coran, déjà par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Mas'ud, un des plus grands incitateurs et aussi un des plus grands exégètes avec Abdallah ibn Abbas. Zayd ibn Thabit, la même chose, un des grands qaris, un des grands récitateurs du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait des gens revenaient vers lui, et aussi qui? Ubay ibn Ka'b, Encore une fois, un grand respectateur du Coran. La même chose. Vous pouvez regarder le prophète, aime entendre ces gens qui respectent le Coran. Il lui pose des questions sur le Coran, le prophète. Hein, il lui dit, quand il lui dit, quel est le meilleur verset? C'est à Obeid qu'elle demandait. Il a choisi qui? Il a choisi un grand savant du Coran. Il lui dit, quel est le meilleur verset du Coran, Obeid? Et il lui dit que c'est Ayatul Kursi. Il lui dit bien que c'est Ayatul Kursi. Il lui dit comme ça, le prophète. Il lui pose la question sur un verset parmi. Il y a combien de versets dans le Coran? 7000 et quelques, combien, hein, combien de milliers de versets? Il y a plus de 7000, hein, il y a énormément de versets, des milliers de versets. Et Obeid Ibn Ka'b, il tombe juste. Il donne une réponse juste sur, il aurait pu, hein, sur toutes 7000 réponses. Imaginez-vous. Parce que c'est un grand récitateur du Coran. Et eux, ils récitent comment au bout, en 7 jours? Radiallahu anhum. Wa jama'a min al-tabi'in ka Ka'b ibn al-Rahman ibn Zayd wa al-Qima wa Ibrahim rahmahumullah. Tous ces gens-là, Ibrahim Nakhali. Donc tous ces gens, tous ces grands savants, hein, parmi les successeurs des compagnons, donc eux, c'est les élèves des compagnons. Hein, lorsqu'on voit Abdurrahman, Ibn Zayd, Al-Qama, Al-Qama aussi, Ibrahim, Nakhali, à ce moment-là, ce sont les élèves des compagnons du professeur. Ils n'ont pas lâché. Souvent, beaucoup d'entre eux étaient quoi? C'est même leurs serviteurs, leurs esclaves, si on peut dire ça comme ça. Mais ils ont tellement profité de leur sens, ils ont suivi là où ils étaient. Ils étaient tout le temps, c'était leurs élèves, du début à la fin. Donc ça, c'est comment il est bien de lire le Coran. Donc on a dit que, on va répéter, donc il est bien maintenant de lire trois. Donc Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa. Et après on va prendre les cinq prochains, et après les sept prochains, et après les neuf, et après les onze, et après les treize, et après le Mufassal, ce qui reste. Maintenant, le fait de réciter le Coran, bitartil, hein, et aussi bien sûr bitahsin al-sawt, le fait de réciter le Coran avec une belle voix. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rattil al-Qur'an tartila, et ça le maudit du Coran, hein, donc d'une belle récitation, hein, de belle façon, c'est-à-dire. Ibn Kathir rahmahullah dit ay iqra, yani iqrahu ala tamahhul, lis-le donc doucement, ala tamahhul wal muhl, hein, c'est celui qui va par étapes. Tamahhul, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait entre deux versets, il faisait un petit waqf khafif. On entendait bien toutes les lettres, hein, les huruf, elles étaient ressorties, et en plus, entre deux versets, on voyait qu'il y avait un petit waqf, un petit temps d'arrêt, afin de reprendre le deuxième verset. Et aussi, on voit que on questionna, hein, le prophète, on questionna comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, il dit, kanatini maddan. Donc il lisait, donc il faisait les moudouz, il respectait en vérité, on va dire, les ponctuations et les temps, hein. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمود بسم الله يمود الرحمن يمود الرحيم. Donc il montre comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'il faisait maintenant, donc il va dire بسم الله الرحمن الرحيم, il va respecter les temps. Et aussi, hein, donc Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a montré aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait donc, hein, donc le professeur Mikdok, il lisait en vérité harfan harfan, ce qui veut dire qu'on entendait chaque lettre. On entendait chaque lettre du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi l'imam Nawawi dit rahmallah wa qad ittafaqa al-ulama radiyallahu anhu ala istihbab al-tartil. Al-tartil, c'est quelque chose qui est mustahab, c'est jamil, donc c'est quelque chose de bien à faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, donc c'est recommandé. Tourat Tirohu, c'est le fait de, lorsque tu vas lire le Coran, tu vas bien le lire, c'est recommandé. Et aussi, que le Muratil, il aura bien sûr une grande part au paradis. Bidinillah Azza wa Jal. Manzilatuhu, yani, aliyat al Jannah. Biqadri ma yatarattaru, yani, bihi fil Qur'an, yani, fil hadith dunya. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, yuqal. لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. Donc lis, hein, et bien sûr et psalmodie, c'est-à-dire le ratil va, donc respecte les lettres comme elles le sont et envoie ta voix. كما كنت ترتل في الدنيا, comme tu le faisais dans la vie d'ici-bas. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها, car ta place, c'est-à-dire ton niveau au paradis, ton degré au paradis sera jusqu'au dernier verset que tu récitais dans la vie d'ici-bas. Imaginez-vous quelqu'un que Hein, il fait partie toute sa vie. C'est-à-dire tout, il fait partie du Coran complètement. Imaginez-vous un peu comment il monte. Il monte. Aïna, c'est le Jannah. Parce qu'il récite bien et il apprend. Et il monte. C'est le Jannah. Kazalik. Donc il dit aussi, je parle du Sahib al-Quran, il dit, dakhala al-Jannah, ikra wa sa'ad. Donc on dit à celui qui lisait le Coran, lorsqu'il monte au paradis, ikra wa sa'ad. Lis et élève-toi. Wa yas'adu bi kulli ayatin daraja. Et il va monter pour chaque verset une daraja. Wa fil Jannah yakun daraja 100. Donc on va comprendre qu'il va peut-être le dépasser et qu'il va arriver tout en haut, bismillah, assez facilement. Hatta yaqra'u akhar shay'in ma'ahu. Jusqu'à ce qu'il connaisse tout ce qu'il a en lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va le laisser. Il va lui laisser ce souvenir du Coran. Ça va rester en lui, cette Jannah. Donc c'est une preuve qu'il est bien d'avoir justement un qari, hein, dans un groupe qui a un prof de Coran, qui enseigne les gens, que les enfants, dès qu'ils sont petits, ils enseignent déjà, afin d'avoir justement makharij al-huruf, tahsin al-saut, que la voix va bien ressortir. Ça, c'est important. Parce que celui qui a cette langue facile, bi'innillah, le reste lui sera facile. Le reste, bi'innillah, lui sera facile. Parce que avant, les ulama disaient, après le Coran, tout nous était facile. Ils apprenaient le Coran comme il fallait, ils ont dit, après ça, tout était facile. Par exemple, l'ilm du hadith, l'ilm du fiqh, l'ilm du tafsir, tout était chez eux facile. Le sirah, parce qu'ils connaissaient le Coran déjà. Allah, après leur donner le baraka, tout était facile. Parce qu'ils ont commencé par le commencement, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, donc embellissez votre voix dans le corps, dans la récitation du Coran, car la belle voix donne, c'est-à-dire de la beauté au Coran, va rajouter de la beauté au Coran. Le Coran est déjà beau sans, comme ça, mais ça sera un rajout, c'est un plaisir pour ceux qui écoutent et avec une belle voix. Tout le monde sait que celui qui va écouter un qari lorsqu'on doit écouter Soudaïs ou le Hudayfi ou quoi, ça nous fait plaisir. Tous ceux qui sont partis au Hajj ou bien à l'Omra, lorsqu'ils ont prié du Mamekka, derrière les imams qui savent bien lire, les gens disent, Mashallah, ça me fait plaisir cette récitation. Qu'est-ce qui fait plaisir? Parce que, Alhamdulillah, Allah leur a donné justement cette voix, il leur a donné aussi, et ils ont appris comme il le faut, hein, donc le Tajwid, Tartil, tout ça, ils ont appris le Coran, ils ont appris, et il lui donne son respect. Et il lui donne son respect, c'est pour ça que ça fait plaisir. Et bien sûr, on en est les témoins. Nous-mêmes, on en est des témoins de cette belle récitation. Et aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le contraire. Laysa minna man yataghanna bil Qur'an. Ne fait pas partie des nôtres. Celui qui ne va pas psalmodier le Coran. Bima'na, c'est pas une rien à la chanson. Parce qu'on peut utiliser ce mot-là. Mais là, ce qui veut dire, en réalité, celui qui va psalmodier le Coran. Et qu'est-ce que ça veut dire la samina? Ça veut pas dire qu'il n'est pas musulman, alhamdoulilah. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de faire ce que j'étais en train de faire. Il n'est pas en train de pratiquer ma pratique que moi je pratique auparavant. Il n'est pas dans ma voie dans ce domaine-là. Hein, c'est dans ce domaine. Donc là, à ce moment-là, tu ne ressembles pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas ressembler à qui tu veux, mais pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu embellis ta voie, tu vas ressembler au prophète. Dans ce domaine-là. Et aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il a récité, hein, صلاة العشاء بالتين والزيتون ها فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه نصاص البراء بن عازب رضي الله عنه donc il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم réciter والتين والزيتون بعد العشاء il a dit j'ai jamais vu quelqu'un qui avait une plus belle voix que lui j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait une plus belle voix que lui et aussi donc le prophète صلى الله عليه وسلم كان في ناقته وهي تسب به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قراءة لينة يقرأها وهو يردع بمعنى غريسي parce que il est en train de lire d'une voix légère parce que bien sûr il est sur son chameau donc il voilà donc il y avait une donc ça faisait en réalité comme des répercussions le fait que tu es sur une monture donc ça fait il y avait ça mais malgré ça il le forçait à ce que sa voix restait de la meilleure façon alors qu'il était sur sa monture pour y être sûr et elle est en train d'avancer et aussi un jour donc Aïcha radha Allahu anha قالت لي أبطلت فطورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء donc Aïcha elle est rentrée à sa maison tard. Elle est rentrée tardivement بعد العشاء et lui a dit يعني hein ثُمَّ جِتْ puis elle arrivait فَقَالَ أَيْنَ كُنْتِ où tu étais قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ donc j'ai entendu une voix d'un homme parmi tes compagnons j'ai jamais entendu une aussi belle voix donc hein auparavant j'ai jamais entendu aussi beau auparavant قَالَتْ فَقَمْ puis il s'est levé فَقُتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَمَعَ لَهُ ثُمَّ اِلْتَفَتُ إِلَيَّ فَقَالَ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ puis il se levait donc on comprend qu'il est parti voir qui récite elle est partie avec et puis après il s'est retourné derrière elle a dit هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَ donc c'est Salim le serviteur de Abu Hudayfa الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا donc le prophète Sassam il était content il n'a pas crié sur Aïcha elle est rentrée tard tard de Aïcha hein? Il n'y a pas eu de jalousie ou de crise sur elle. Il la laisse écouter un homme. Hein? Il la laisse, il n'y a pas de problème. C'est un autre homme, il la laisse écouter. Regarde un petit peu, en vérité, tout ce qu'il y a comme bénéfice dedans. Il part avec elle pour encore écouter parce qu'il sait que le Coran, ça fait que augmenter la foi. C'est qu'un bien pour toi. Il va écouter, c'est la parole d'Allah. Il s'empresse, il écoute. Et c'est l'envoyé d'Allah, c'est sur lui qu'il est descendu le Coran. Si, hein? C'est sur lui qu'il est descendu et pourtant il va. Donc il va vers autre que lui qui est moindre que lui pourtant. Mais il y va. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsqu'il entend ça, il dit Alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati mithla hada. Alhamdulillah, celui qui a placé dans ma communauté des gens comme cette personne-là. Ni'ma. Fa wahid il écoute. Al-wahid yasma. Il dit Allah, il m'a donné 10 enfants, il a 10 petits-enfants. Maintenant, j'ai 10 enfants, j'ai 5 enfants, Alhamdulillah. Wahid va se dire moi, je vais faire attention à mes enfants, je vais les éduquer. Hada yakun tabib, hada yakun muhandis, hada yakun kada. صح جيد هذا ممتاز لكن خلي واحد ولا اثنين حفاظ القرآن خلي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يكون حفاظ القرآن استاذ des enfants خلي qu'il y en a un ou deux ou trois qui sont حفاظ القرآن et toi tu sois derrière justement t'as appuyé pour qu'ils deviennent donc des gens qui connaissent le Coran par cœur afin que ça sera ta plus grande fierté pour toi plus que ton fils qui aura le doctorat ou quoi que ce soit ou n'importe quel métier même si on pousse les gens à ça même si on dit que c'est bien c'est pas ça le problème. Mais à côté aussi, il faut penser aussi que d'avoir dans notre famille ou dans nos demeures justement quelqu'un qui va nous faire plaisir. Afin de pouvoir écouter ça. Ça te fait plaisir si c'est ton fils, ma femme. Déjà, si c'est toi, alhamdoulilah, encore mieux. Mais si c'est ton fils, t'as un khair pour toi. Que c'est lui un jour fait à l'heure qui va être appelé dans telle ou telle mosquée, Ramadan, parce qu'on manque d'imams, pour pouvoir réciter des fois justement le Coran comme il le faut. Ça, c'est un grand khair de la part d'Allah. Et c'est possible, c'est pas. C'est possible, c'est pas quelque chose qui est quoi, qui est sorcier, comme on dit, c'est pas quelque chose qui est impossible. Il suffit en vérité de faire des efforts derrière. Et on dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ma azna Allahu bi shayin, ma azna li nabihin husn al-sawt, yani yataghanna bil Qur'an yajharu bihi, yajharu bihi. Donc il dit, Allah n'a jamais accepté, n'a jamais agréé quelque chose comme il a agréé. À l'envoyer, donc la meilleure voix, c'est-à-dire une belle voix, lorsqu'il récite au Coran, et qu'il bien sûr qu'il le récite à voix haute. Et qu'il va le réciter dans comment à voix haute. Donc, Yajharubi. Parce qu'il va le réciter à voix haute. Ça, c'est quelque chose qui a été donc, donné dans cette communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hey, ma istama Allah li shayin ka istima'ihi li nabiyin yataghanna bil Quran. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime entendre le prophète sur scène. Il n'y a pas quelque chose sur la terre. Il n'y a pas eu de mots dits, ou de paroles dites, ou de choses qui ont été faites, meilleures et plus aimées auprès d'Allah que lorsque c'était le prophète sur scène qui récitait le Coran. Donc depuis Adam jusqu'au dernier, lorsque le prophète Mohammed sur scène récite le Coran, qui est la parole d'Allah, le meilleur livre, le meilleur prophète qui récite la meilleure parole. Donc ça peut être la meilleure chose, la plus aimée auprès d'Allah, il n'y a pas de doute dessus. Et Allah, c'est ça qu'il préférait. Entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter. C'est la meilleure chose que Allah subhanahu wa ta'ala a préférée. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam Allahu ashadu azanan ila rajulin al-husn al-sawt bil-qur'ani min sahibin al-fina ila finati. Donc Allah subhanahu wa ta'ala min sahib al-qina ila qinati. Donc Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr. Donc, comment dire, il permettait plus, ou il préférait plus, à Kulhan, donc c'était par rapport à sa préférence, d'entendre un homme qui a une belle voix du Coran, plutôt que quelqu'un qui rentre chez lui. Alors que quelqu'un, c'est chez toi, c'est ta permission d'être chez toi. D'accord, c'était, il t'est permis de rentrer chez toi. Mais la permission de bien aller au Coran, c'est encore plus fort que la permission de rentrer chez toi. Si on peut comprendre ça comme ça. Mais maintenant, c'était chose, en vérité, c'était tout est bien à toi, c'est à toi. T'en fais ce que tu veux, tu en es le maître. Ça, là, là. Tu rentres dans ta demeure, tu y ressors. Donc Allah, il te l'a permis totalement. Mais Allah, il permet encore plus le fait que tu récites le Coran avec une belle voix. Là, c'est pour montrer en vérité l'importance actuelle de montrer de justement réciter avec une belle voix. Donc, on a vu par rapport au tartil. Maintenant, on va voir par rapport au tadabbur al-Qur'an. Inch'Allah, c'est dans 15 minutes. Hein? Tadabbur al-Qur'an. Hein? عند تلاوته أو سماعه. Donc méditer le Saint Coran lorsqu'on le récite et lorsqu'on l'écoute ou lorsqu'on écoute. Allah dit: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. Un livre que nous avons descendu vers toi, béni, مبارك. كيف يكون مبارك؟ Comment il va être béni؟ بالهداية. Donc la baraka, c'est celui qui va suivre ce Coran, il va être dans la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va recevoir aussi la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dabbaru ayatihi, afin qu'il médite sur ses versets, et bien sûr afin que se rappelle ulul albab, hein, ulul aqlin yani. Ulul albab, donc ceux qui sont doués d'intelligence. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, ankara, à la même. Là, il est d'abord le Coran. Fakal, afala est d'abord le Coran. Am ala kouloubin, aqsaluha. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran ou y a-t-il des selles décelées dans leur cœur? Est-ce que leurs cœurs sont ouverts ou bien sont fermés? On comprend que d'abord, ça vient du cœur. Le raisonnement, il vient du cœur parce qu'Allah, il mentionne le cœur. Et aussi, Allah dit. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Et si cela provenait d'autres qu'Allah, ils auraient retrouvé énormément de divergences. Parce que comme ça vient d'Allah, il n'y a pas de divergence. Tout est pareil. Si c'était des gens qui avaient trafiqué, on aurait vu les différences. Donc on a bien sûr des preuves comme quoi il faut méditer sur le Coran. Et Aïcha radhiyallahu anha dit donc innahu dhukira laha anna an-nasa yaqra'una al-Qur'ana fi laylatin marratan aw marratayn. On a dit à Aïcha radhiyallahu anha, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a mentionné des personnes qui lisaient le Coran donc entier en une seule nuit ou bien deux fois dans la même journée. Une fois ou deux fois dans la même soirée. Qalat ulaika qara'u wa lam yaqra'u. Certes, ces gens-là ont lu, mais en vérité, ils n'ont pas lu. Dans le sens où ils ont lu, mais en vérité, ils n'ont pas véritablement lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Kuntu aqumu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylat al-tamam fa kana yaqra'u surat al-baqara wa ali imran wa nisa. Alors, elle disait, je me levais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc fiqhim al-layl. Et il lisait Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa. Fala yamurru bi ayatin fiha yani takhwif an takhawafa illa da'allahi wa sta'adha wa la yamurru bi ayatin fiha istifsharun illa da'allahi wa raghaba ilahi. On comprend que, donc elle dit Aïcha radhiyallahu anha, qu'à chaque verset où le prophète passait, il y avait une peur, donc il y avait le khawf, il y avait à ce moment-là donc un verset qui fait peur. Il demandait, donc il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et il demandait protection à Allah contre justement cette peur-là. À chaque fois qu'il passait sur un verset, donc à chaque fois qu'il lisait un verset, qu'il avait une bouchra, il avait une bonne annonce, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et espérait, et incitait. Donc il espérait justement, il avait la forte envie de pouvoir avoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait promis maintenant. Imaginez-vous des délices du paradis par exemple. Donc on comprend quoi? On comprend qu'il lisait et il comprenait, il s'arrêtait à la compréhension. Parce que si, comment qu'il fait pour arriver à ça? Il y a droit à Allah, il y a Sa'id, ou il y a Club. C'est parce qu'il s'arrête. Elle a voulu dire, Aïcha, que ces gens-là, en vérité, ils ont lu, mais sans comprendre. Sans en vérité comprendre. Ils ont lu rapidement. Ils ont passé. Moulim, c'était, je termine. En vérité, c'est en vérité avec la compréhension. C'est pas juste on le termine et puis c'est tout. C'est pas en vérité on se débarrasse. C'est pas comme ça. C'est à bilfin. Peut-être d'abord, parce qu'Allah nous le dit, nous le demande. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà dit Abu Minna Zalika. Et aussi, donc, Hudayfa qui dit, Sallaytu ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Zata laylatin faftatah al-Baqara. J'ai donc prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a commencé le Baqara. Kultu yarka'u indalmiya. Je me suis dit, il va faire recours après son verset. Summa mada. Il a continué. Kultu yusalli biha fi raka. Je me suis dit, il va lire le Baqara en une seule raka. Famada. Il a continué. Kultu yarka'u biha. Il va faire recours. Il a continué. Summa tataha nisa. Donc, encore une fois qu'il a continué, hatta donc, Ali Imran. فقرأها إلى لول سورة النساء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا et là on voit qu'il a commencé par Nisa avant آل عمران donc il a commencé par Nisa avant آل عمران parce que c'est un jaïz, c'est le jawaz que tu peux en vérité lire une sourate et la sourate qui est avant et après, même si le mieux, même si c'est rare, même si c'est rare normalement tu gardes le quartier mais t'as le droit, c'est pas haram si il y a eu un verset qui était c'est une sourate qui était avant et que tu l'as fait après, c'est pas interdit parce que le professeur l'a fait, donc il le dit bien, il dit bien Summa Nisa et après il dit Summa Ali Imran, il ne saurait pas se tromper sinon, il ne va pas se tromper dans ça, il ne va pas venir se tromper sur le tartif, et si c'était trompé on l'aurait trouvé, les savants qu'ils auraient dit c'est une erreur, ni les savants n'ont dit c'est une erreur, donc il n'y a pas de problème hein. Yaqra yannou darat silan ida marabi ayatin fiha tasbih sabbah. Donc s'il entend maintenant un sabbih, ça y est sabbih, un sabbah. Le prophète, lorsqu'il passait sur un verset où il y avait le tasbih, il disait le tasbih. Wa ida marra bisu'al yas'al. Ida marra bisu'al, s'il demande, s'il y a quelque chose à demander, il va demander à Allah. Maintenant, demandez-lui ça, donc il va demander. Wa ida marra bita'wid, ta'awwaz. Si on passe par rapport au ta'awwaz, s'il y a une demande de protection, il va demander protection. Summa raka. فَجَعْلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ. Donc il est en recours, سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitation longue, ça, mais avec tadabbur. Ça ne veut pas dire que c'est long, alors il faut terminer vite. Mais allez, si le temps il sera plus long, c'est clair. Le tarawih, même à la tarawih, maintenant. Si c'est le qiyam al-layl. Le tarawih avant, les gens ils prient tarawih. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie tarawih, il terminait avant le soubh. Il terminait les derniers avant, il faisait le witr une demi-heure comme ça avant soubh, par exemple. Il terminait, comment il faisait? Il priait, lakin bayna rak'atayn yastarih. Raha. Dans le tarawih, qu'est-ce que vous entendez? Raha. Hein? Istiraha. Salat. Li'annahu kana yastarih bayna salatayn. Le Nabi il priait, il se reposait maintenant, il va manger, il va faire quelque chose. Il reprit, il fait ça. Sauf que maintenant c'est compliqué. Les mosquées, maintenant les gens ils travaillent. Moi, ça va être plus difficile de le faire. Celui qui peut le faire, il le fait, alhamdoulilah. Celui qui ne peut pas le faire, il ne le fait pas. Là, il n'y a pas d'étiquette dessus, ce n'est pas une obligation. La question, c'est ça que ma'ana tarawih. Alaysa hunaka ism raha fi tarawih. Vous entendez le mot raha, le repos. Parce que le prophète priait, il se reposait, il priait, il se reposait. C'est pour ça qu'on appelle tarawih. Et aussi, donc ça c'était bien sûr la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le muhim fi, ce n'est pas par rapport à la longueur de la lecture. Même si tu lis que 10 versets, le muhim el fin. Hada le muhim. أفضل لك أن تقرأ قليل لكن تفهم أفضل من كثرة القراءة بدون فهم أين الفائدة إذن؟ Tu as longtemps récité maintenant sans comprendre. Tandis que si tu lis peu et que tu as compris, c'est justement le demander. C'est ça qui est intéressé. C'est justement de pouvoir comprendre en vérité ce que tu lis. Ça, c'est ce qui est demandé. Et Allah nous le demande. C'est Allah qui nous le demande dans le Saint-Coran. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود لكم رأيتك عبد الله بن مسعود سيبع من الغران صفا دي كورا وفيه فقال إني لأقرأ المفصل في ركعة قال عبد الله هذا كهذا يعني كهذا الشهر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيهم نفع ورسك دي عبد الله بن مسعود هناك دي موجلي المفصل. Donc on a vu que Mufassal, hein, c'est les derniers versets, en réalité c'est, il y a peut-être au moins presque, on va dire c'est presque un rebord. C'est presque un rebord en réalité Mufassal. Il dit ce que je disais Mufassal en une seule raka. Donc il disait en vérité au moins 10 hizbes. Je crois que c'est en vérité un peu moins qu'un robot. Il y a peut-être un cinquième du Coran à peu près. Il lisait ça en une seule halakha, c'est-à-dire qu'en vérité, il lisait beaucoup. Abou Hanifa lui dit, donc ça c'est comme, c'est l'équivalent à ce cheveu. Il m'a dit, la faille de là. Il prend un cheveu, il montre le cheveu, char. Hein, il montre un cheveu, le char, là-bas. Il dit, ce que tu as lu, c'est comme si c'était un cheveu. Même fiché. Il dit, certes, il y a des gens qui lisent le Coran et qui ne dépassent pas leur gorge. Il m'a dit, ça saute. Non, là, c'est Mada Khalat al-Qulub. Il dit, la faille de là. C'est pour ça qu'il dit, la yujawizu taraqihim. Ça ne dépasse pas leur gorge, leur gosier. Voilà qu'il. Mais simplement, si c'est rentré dans le cœur, ça s'accroche et là, à ce moment-là, c'est profitable. Rastakha fanafa. Tu vois la différence? Alors, on voit qu'il y a justement Rastakha fini, fanafa. Ça entre dans le cœur, ça va se raffermir dans le cœur, ça va être accroché, fanafa. Tandis que, bimana, ikra qalil, wa kimsam, tifham. Had al-ma'na, des compagnons du prophète. Lis moins, lakin comprend ce que ça veut dire. Et là, à ce moment-là, donc tu verras justement, il y aura justement une faïda. Comme il a dit, fanafa. Et aussi, donc, Ubaydah ibn al-Hamza, il a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, donc il dit, inni sari'u al-qira'a. Je lis vite. Wa inni la akra al-Qur'ana siflat. Et je lis le Coran en trois jours. Faqal la an akra al-Baqara, urattiruha, fa'atada'a. فَأَتَدَبَّرُهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَقْرَأُ كَمَا تَقُولُ أو مِنْ أَنْ أَقْرَأُ كَمَا تَقُولُ. Donc il dit, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, certes, moi je lis le Coran, فَأُرَتِّلْ وَأَتَدَبَّرْ. Donc il dit bien, أُرَتِّلْ, je lis doucement, فَأَتَدَبَّرْ. Et aussi je vais chercher à comprendre ce que ça veut dire dans ce Coran. Il dit, Allah dit, مَثْلًا Charles Ramadan a dit, on s'est fait le Coran. Mathan, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, il y a qu'un Aboudou, il y a qu'un Assain. Qu'est-ce que ça veut dire? Mamahana, il y a qu'un Assirat al-Mustafim. Un Assirat al-Mustafim, c'est laquelle des voies? Mathan. Et après, il dit, donc il dit, donc je réfléchis, Khairun, c'est meilleur que je lis, que je lis comme tu lis. C'est mieux que je lis un petit peu et que je comprends. Au Ratsif, déjà, je fais une belle voix. Et en plus, je comprends, c'est meilleur que ta lecture à toi, qu'en vérité, qui sari'a. Sari'a bidun faïda. En gros, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, waqafa ila ayat, la makana yaqra al-Qur'an, waqafa, in tu'adzibhu, fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum, fa innaka anta al-aziz al-hakim. Donc il dit bien, in tu'adzibhu, si tu les châtues, fa innahum ibaduk. Ils sont tes serviteurs, du ma'ana Allah, tu fais ce que tu veux. On ne peut rien dire, nous. C'est toi qui la décide. Wa in taghfir lahum, et si tu leur pardonnes, fa innaka anta al-aziz al-hakim. Wa kana yuraddiduha, yarji', yufakir fih, lan hatta yufakir fil adab wa fi rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yufakir fil akhirah. Wa hada yukhawif, yukhawif, hatta yub'ad ash-shakhs 'an al-ma'asi. Wa kadhalika yurahhib, aw yurahhib yani min haythu anta muqbalun على الأعمال الصالحة. أنت مقبل على الأعمال الصالحة. فهكذا المسلم عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وهو الجنة. وما عند الله الجنة. فالشخص يقبل على الطاعات وعلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن المعاصي. فهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يرددها وحتى يعني تميم الداري رضي الله عنه يعني كان يكرر القرآن كذلك الآية فقال يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم يعني كالذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى تعرف أن هناك فرق بين المؤمن والفاسق أو المسلم والمنافق أو المسلم والفاسق والكافر أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Est-ce que croit-il ceux qui commettent des péchés qu'Allah va qu'on va faire de eux comme on a fait avec ceux qui ont cru et qui commettent et qui font de bonnes œuvres? Donc il y a une différence entre ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres et ceux qui ne croient pas. Donc on voit que ce verset-là, ça le fait réfléchir. T'as le droit de t'arrêter à un verset. Yahda Jaiz, les compagnons, le prophète il l'a fait, les compagnons l'ont fait. Si tu vois un verset que tu sais qui te touche, tu peux le réciter même 5 fois, 10 fois, 15 fois. Tu l'as dit nous. Yajouz, hatta fi qira'a, hatta fi salat. تردده deux fois, trois fois, comme tu veux, حتى يقع في القلب, afin qu'il rentre dans le cœur ces versets pour qu'il soit justement, pour que ça touche, pour que ça te touche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et les compagnons du prophète radhiyallahu anhum le faisaient. Donc alhamdulillah, c'est quelque chose qui est jaiz, mashrou' indana. Et aussi donc il y a donc Ibad ibn Hamza, il est rentré chez Asma radhiyallahu anha, et elle est en train de dire فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَبَ السَّمُومِ. Donc Allah nous a bien sûr octroyé ses bienfaits et nous a protégés d'un châtiment en vérité qui est douloureux, du châtiment en vérité où il y a bien sûr dans tous ces poisons il a fait des hymnes. Donc elle disait, même chose, elle aussi, elle disait beaucoup ce verset. Donc elle dit مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Elle se souvient, Ayyam al-Kuf, elle se souvient, elle, de Ayyam, hein, les jours là, du shirk, du polythéisme, et aussi le Jahliya. Et elle est contente qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a justement sauvé de cela, il a sorti de cela. Et la même chose, Ibn Mas'ud aussi, il disait beaucoup Rabbi zidni ilma. Alors qu'Ibn Mas'ud c'est un des plus grands savants des compagnons. Rabbi zidni ilma, kana yuraddidu dhalika. Ou bien, il dit Saïd ibn Jubair, donc qui est parmi les plus grands tabi'in. Rahimallah, il dit ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous allez revenir vers Allah. Turja'una fihi ila Allah. Ittaqu yawman. Fayaqra'u hada kaseeran hatta yaqa' fi qalbihi. Afin que ça rentre bien dans son cœur. On voit un petit peu comment ils étaient, hein, nos plus prédécesseurs, comment ils étaient en vérité, nos exemples, nos anciens, nos grands-pères. Et d'autres encore, et d'autres versets encore, bien sûr. Cela montre qu'en vérité, il faut réfléchir sur le Coran. Qu'on voit qu'il ne s'arrêtait pas, il était comme ça. Ce n'était pas une lecture rapide. J'ai terminé, alhamdoulilah, à 2h du matin, là. Ça ne voulait pas dire ça. Ça voulait dire en vérité, je m'arrête, et où il y a des versets qui vont vraiment, où il y a un appui à prendre, je prends appui sur ce verset. Où il y a une méditation à prendre, je médite sur ce verset. C'est ça que ça veut dire. Voilà qu'il y a quand même. Donc on va voir par la suite El Bouka, hein, dans le Qira'a. On va voir après par rapport au fait de pleurer dans la lecture du Coran. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.